Alléluia, je suis le premier. Alléluia, jamais le dernier. Oh, je suis le premier. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Oh, je vais progresser. Encore une fois, oui, je vais progresser. Alléluia, position, position, position. Ah, je veux avancer. Je veux avancer. Oh, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Toujours l'icolo. Oh, toujours l'icolo. Consomme à s'immater. Oh, toujours l'icolo. Oh, consomme l'icolo. Oh, toujours l'icolo. Consomme à s'immater. Oh, consomme à s'immater. Oh, je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux monter. Je veux progresser. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Qui est comparable à toi, Seigneur? Qui est comme toi, ô Dieu de gloire? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent? Des voix qui s'élèvent pour célébrer ce Dieu-là. Continue à adorer le Dieu des miracles. Le Dieu dont le règne n'a point de fin. Ce qu'il a fait hier, il continue à le faire. Et il le fera aujourd'hui encore. Et il fera toujours, toujours, toujours. Puisqu'il est le Dieu de miracles. Sa provision n'est pas à la fin. Alléluia, alléluia. Ses bontés ne sont pas à leur terme. Est-ce que quelqu'un peut encore l'élever? Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dans les cieux, sur la terre, on proclame que tu es Dieu. Alléluia. Car nul n'est comparable à toi, toi le roi des rois. Est-ce qu'on peut encore le chanter? Alléluia. Alléluia. Quand je contemple tout ce que tu fais, Seigneur, il y a des raisons de ne jamais m'arrêter de te louer, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Qui est semblable à toi, Jésus? Tu es le roi des rois. Le roi des rois, c'est toi, Jésus. Révèle qu'à toi seul, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Dieu tout-puissant. Alléluia. De tout mon être, alors s'élève un chant. Un chant qui remonte pour toi, ô Dieu de gloire. Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand, que tu es digne de louange, que tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire. S'élève un chant qui remonte au fond de mon cœur. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Laisse-nous nous exprimer devant la grandeur de ton Saint-Nom. Laisse-nous nous exprimer devant la grandeur de ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia, alléluia, Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble, Dieu Tout-Puissant? Tout l'univers, créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le Le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, on le chante encore très bien encore. Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Considère toutes les personnes qui s'appellent des dieux. Mais face à ton Dieu Tout-Puissant, regarde-les. Ils ne valent rien. Ils ne valent rien car c'est lui le créateur de l'univers. Alléluia. Oui, le ciel d'azur. Alléluia. Alléluia. Le clair matin. Oui, oh, de tout mon être. S'élève un chant pour toi, Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'assemblée? Mais quand je songe au sublime mystère. Qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Et que son cher fils est devenu mon frère. Et que je suis. Mon cœur est dit la nuit, le jour, Jésus, Jésus. Que tu es bon. Oh, oh, oh, oh. mon cœur, alors mon cœur, alors mon cœur. Bénis la nuit, le jour. Alléluia. Oh Dieu. Est-ce que tu peux t'exprimer maintenant? Exprime-toi, exprime-toi, exprime-toi. Alléluia. Dis-le, dis-le, dis-le dans ta langue. Dis-le, dis-le. Exprime-toi devant ce grand roi. Ce mystère incomparable. Ce mystère unique. Qui suis-je pour qu'un Dieu si grand, alléluia, puisse penser à moi? Qui suis-je? Et son cher fils est devenu mon frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu. Je sens comme s'il y a une tristesse là-dedans. Naona ni kama kuna huzuni. Parce qu'on peut se lever. Je tunaweza tukasimama wote. Alléluia. Amen. L'Esprit Éternel me demandait de vous dire ceci. Roho ilikuwa ikiniambia niwaambie hivi. Vous êtes fier de qui? Munamringia nani? Est-ce que tu es fier de Dieu? Je unaringia Mungu ama unajisifia Mungu? Unasikia Mungu ai? Comment tu sens Dieu? Au troisième jour, quatrième jour, tuko kwa siku ya ine, de notre programme de prière, ya mkutano wetu ya maombi. Unasikia ai? Comment tu te sens? Uliza moyo wako. Demande dans ton cœur. David dit, Daudi alisema, dans le psaume 18, 1-2, ndani ya Zaburi 18:18, Zaburi sura ya mstari wa pili. Il dit je t'aime éternel. Nasema nakupenda o Bwana. On peut lire ça ensemble. Tunaweza tukasoma pamoja. Essayons. Tujaribu kusoma. Dans ta Bible. Zaburi 18. Psaume chapitre 18, Zaburi 18, verset 1-2. Sura shairi ya kwanza na ya pili. On peut y aller. Tunaweza kusoma pamoja. Au chef de chantre. Attends. Vous êtes là? Muko. Vous êtes là? Je muko. On peut y aller maintenant. Tuende pamoja. Au chef de chantre, du serviteur de l'Éternel de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. On recommence au verset 2, s'il vous plaît. Tuanze tena shairi ya pili. Avec beaucoup plus de consistance. Shairi ya pili, 1, 2, 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. On va revenir au verset 2. Attendez un peu. Je vous ai dit ceci. La parole que nous confessons neno ambayo tunakiri devient une réalité dans notre esprit. Inageuka ukweli rohoni mwetu. Et travaille pour nous. Na inatumika kwa ajili yetu. OK. Lisez ce texte un peu silencieusement avant qu'on le relise à haute voix. Mbele tuisome kwa regarde sauti. Ça dans ta Bible. Kila mtu aiangalie katika Biblia yake. Regarde ça en méditant un peu. Oui, angalie vizuri na utafakari. Je peux voir les Bibles qui sont dans la maison. Je tunaweza tukaona Biblia zilizomo. Voyons les Bibles qui sont là. Tuone walioleta Biblia. Aya. Voyons les Bibles qui ne sont pas là. Tuone wenye wa kuleta Biblia. OK. Manake wasizimishe hii. OK, oh, on y va. Méditons un peu. Tusome kidogo, lisa un peu profondément, verset 2. Uisome kabisa na uelewe inasema nini. Sura, shairi ya la pili. Tia lu. Mesoma. Qui a lu? Je peux voir ceux qui viennent de lire. Tu connais où ils ont qui vient de lire? Nani a mes tu sens quoi? On a ce qu'il y a, on a ici namna gani. Ok, on y va maintenant avec force. Tu es de ça, ça conviction. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Verset suivant, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Seigneur Jésus, je t'aime, je te donne tout à toi. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie ce que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Monsieur la terre suffise pour décrire toute ta splendeur. Que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse croire à la gloire des illusions, que j'affronte la nuit le jour. Tu es plus grand, tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta ta ta. Mon aimé, mwambie Mungu. Tu es fier de qui? Mwambie Mungu kama wewe unajitapia nani? Dis-lui que tu es fier de lui. Mwambie unaringa tu. Je suis fier de toi, Seigneur. Mwambie Mungu unajitapia wewe Bwana. Je suis fier de toi, Yahweh. Najitapia wewe Bwana. Tu es si grand. Wewe ni mkubwa sana. Je suis fier de toi, mon père. Nakufurahia sana baba yangu. Akirionu. Akirionu. Tungeliendea wapi? Akirionu. Tutaenda kwa nani mwingine? Akirionu. Tutaenda kwa nani mwingine? Tu as les paroles de la vie. Wewe ndio una neno ya uzima. Tu as les paroles. Una neno. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Tu peux le chanter avec une voix beaucoup plus supérieure. Oui, mais quoi, ça ou tu coupes. Que je vois ce que tu es. Eh, hey, hey. Eh. Attendez, ah, attendez, attendez. Goja. Attendez, chantez comme moi. Mouimbe Seigneur kamami. Jésus, je t'aime. Tout le monde, on y va. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Attendez, attendez. Goja. Attendez. C'est quoi cette affaire-là? Arrangez ça. Vous savez, frère. Devant Dieu. Mbele ya Mungu. Mais c'est un problème de notre cœur. Lakini shida ya moyo wetu. Nous sommes des êtres humains. Sisi ni wanadamu. Le psalmiste dit. Mwandishi wa Zaburi anasema. Mon âme. Roho yangu. Béni l'Éternel. Mbariki Mungu. Je crois que ceux qui sont à côté demandent l'âme là où. Nadhani watu walio kando wanauliza hiyo nafsi kwa. David tipala kimona. Daudi unaongea na nani? Unaongea na nafsi. Mon âme. Nafsi yangu kwa wapi? Nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya kutamani, nafsi yangu ya. Mais c'est ça. Mais je voulais qu'on chante, Seigneur Jésus, je t'aime. Sasa nilitaka tuimbe hiyo nyimbo nyingine. Mais de tout notre cœur. Kwa moyo wote. Est-ce qu'on peut y aller? Je tunaweza tukaimba hivyo. Seigneur Jésus, je t'aime. Révolte-toi contre toi-même. Écoutez. Sikiza. Révolte-toi contre toi-même. Ouais, on y va. Twende. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Et les écarts et mes yeux tombent. Pour que je vois ce que tu es. Chose simple qui me montre ta grandeur. Suffit. Toute ta sandeur, que je voyais ton âme qui m'entoure à la table des îles. les yeux. Tu es plus grand, tu es plus grand. Et tout ce qu'on dit de toi, vraiment grand. Quel est mon dictionnaire? Vraiment grand, que tout ce que tu fais, mon aimé, yeah, Osa, mon aimé, mon aimé, Osa, hey, mon aimé, yeah, Osa, mon aimé. Seigneur Jésus, c'est ma bonne Yesu. Je t'aime. Nakupenda. Tu m'as sauvé à un grand prix. Uliniokoa kwa gharama kubwa. Tu as payé pour moi. Ulinilipia deni. Père céleste, Bwana Yesu. Yahweh, Yahweh. Je t'aime. Nakupenda. Tu m'as tant aimé. Ulinipenda zaidi. Que tu as donné ton fils unique. Ukamtoa mwana wako wa pekee. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. Mon consolateur, Mfariji wangu. Je t'aime. Nakupenda. Tu marches avec moi quotidiennement. Jour et nuit. Tu ne me laisses pas. Tu es avec moi. Tu m'accompagnes. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans les fêtes. Dans les deuils. Dans les tristesses. Tu es avec moi. Merci Seigneur. Asante. Alléluia. Alléluia. Le salut. La gloire. La gloire. Et la puissance. Sont à notre Dieu. Alléluia. Salut, la gloire et la puissance sont à nous encore. Alléluia. Les saluts, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. À notre Dieu, je suis fier de toi. Demande au voisin, tu es fier de qui? Uliza jirani je unamringia nani? Répondez lui. Na ujibu. Tu es fier de qui? Ulize jirani unamringia nani wewe? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es bon Seigneur. Mon âme te désire, mon âme a soif de toi. Nafsi yangu ya kutamani. Mon cœur te cherche cette semaine. Nafsi yangu ya kutafuta. Je veux te vivre, Seigneur. Nataka nikuishi. J'ai soif de toi, Seigneur. Nina chiu yako. Je t'aime, Seigneur. Nakupenda, Bwana. Écoutez. Il y a des gens qui sont mariés ici. Kuna watu ambao wameoa makuolewa hapa. Je vais vous donner un exercice. Nitawapa kazi fulani. Fais un comptage. Jaribu kuhesabu. Tu as déjà dit combien de fois ta femme je t'aime. Mara ngapi umeambia mke wako ama mume wako nakupenda? Kuanzia wakati mlioana. Et tu as déjà dit combien de fois à Dieu je t'aime. Na Mungu umemwambia mara ngapi wampenda? Depuis que tu es sauvé. Kutokea wakati ulipookolewa. Appeler Dieu chéri aussi. Mon chéri éternel Yahweh. Mes amis à Yesu, mpenzi wangu. Mon onai. Mpenzi wangu Yesu. Comment vous trouvez ça? Est-ce que Dieu c'est notre chéri aussi? Je, Yesu ni mpenzi wetu. Il a payé la dot. Alilipa gharama yote. Il a livré Christ. Alitoa Yesu. Il a tout donné. Alitoa yote. Tu vois, quand tu as épousé ta femme là, non, wakati umeoa, tu n'as pas donné grand chose. Haukutoa vitu mingi kama mahari. Tu n'as pas tout donné. Haukutoa yote. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Je peux. Je kuna wale wameoa hapa. Les hommes. Wanaume. Dis-moi, vous avez tout donné. Je mulitoa yote. Votre femme. Mulitoa yote kwa ajili ya mke. Qui aime plus que qui? Nani anapenda kuliko mwingine? Vous vous aimez plus que Dieu? Je unapendana kuliko Yesu, kuliko Mungu? Qui mérite d'être appelé chéri? Nani anafaa kuitwa mpenzi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asante Yesu. Nous sommes au rendez-vous. Tuko tayari. Et notre joie c'est que l'homme de Dieu est là. Na furaha yetu ni kwamba mtumishi wa Mungu amefika. Mchungaji Alan Moss. Alan Moss. Yombe. Yombe. Nous accueillons. Karibu sana, tunakukaribisha. Et pasteur Noah. Karibu. Na pasteur Noah pia kuje. Sasa. Vous savez, si moi je l'accueille, je ne saurais pas tout dire. Kama mimi namkaribisha sitaweza kusema yote. Que Pasteur Noah l'accueille. Nataka Pasteur Noah ndiye amkaribishe ili awaambie. Utuambie. Mtumishi huyu. Utuambie. Bonsoir. Bonsoir. C'est un grand privilège être ici ce soir. Ni furaha kubwa kwangu kuwa hapa jioni ya leo. Même s'il n'y a pas les mots comme très belle en français, hata kama sina maneno matamu kwa Kifaransa, nyinyi ni wazuri sana. Merci, maintenant je vais changer et un peu parler anglais. Okay, sasa nitabadili niseme Kiingereza kidogo. It's exciting to be here. Na furaha sana kuwa hapa. It's a good evening. C'est une très bonne soirée. Just want to say something small. Je voudrais juste dire quelque chose de petit. I grew up together with Pastor Alan. J'ai grandi ensemble avec Pasteur Alan. In English we say he's my bedmate. En anglais on dit que c'est mon frère de lit. He's my bedmate. C'est mon frère de lit. We have grown up together. Nous avons grandi ensemble. I married before him. Je me suis marié avant lui. Bye. A few days. Pasteur Alain est en train de dire non, c'était juste de quelques semaines, donc. And so we love each other very much. Nous nous aimons vraiment beaucoup. He's a brother and a friend. Il est un frère et il est un ami. We've been raised by the same father in the Lord. Nous avons grandi sous le même père spirituel. When I saw his ministry is needed here. Quand j'ai vu que son ministère serait utile ici, in God's appointed time, dans le temps fixé par Dieu, I asked him to come, je lui ai demandé de venir, to accompany me to Bunia, de m'accompagner à Bunia. And then we did some work in Butembo. Et nous avons aussi fait un peu de travail à Butembo. We had not planned to come to Goma. Et on n'a pas planifié de venir à Goma. But somehow God brought us. Mais d'une certaine manière, Dieu nous a amenés en ce lieu. That day in November. Ce jour-là, au mois de novembre, we came for one night nous sommes venus juste pour une nuit ici à Goma. And now God has opened another chance. Et Dieu a ouvert une autre opportunité. So thank you for the privilege. Donc merci beaucoup pour le privilège. And I want us to clap for Reverend Eston. J'aimerais que nous puissions applaudir pour Reverend Eston. Because he trusted in my ministry. Parce qu'il a eu confiance en mon ministère. Therefore, he trusted the people I can bring for him. Et ainsi, il a aussi confiance aux personnes que j'amène auprès de lui. So I love him so much. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. With his dear wife. Et avec son épouse. So, let me not say much. Je ne vais pas beaucoup dire. Amen. Amen. We can let us clap for Levi. Acclamons pour le pasteur Noah. We stayed in the same house. Nous vivions dans la même maison. We married our friends. On s'est marié à des amis. Nous sommes mariés à des amis. And we are friends. Et nous continuons à être amis aussi. I know his village. Je connais son village. Up to there. His mother's kitchen. Je connais même la cuisine de sa mère. And he knows my village. Et il connaît aussi mon village. Thank you, Reverend Eston. Merci beaucoup, Reverend Eston. Thank you, Mama. Merci, Maman. As I stand here today, en étant debout devant vous aujourd'hui, I pray that God will bless you. Je prie que Dieu vous bénisse. I ask God to put a canopy around you. J'ai demandé à Dieu de mettre une couverture sur vous. That may you be surrounded by his presence. Pour que vous soyez entouré de sa présence. The cloud of fire by night. Qui est la nuée de feu la nuit. The pillar of fire by night. Le feu la nuit qui vous accompagne. And the cloud by day. Et la nuée pour vous couvrir pendant I le jour. Speak at 24 hours, at 7 days, at 30 days, at 12 months, protection upon your life. Que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, chaque jour du mois et chaque mois de l'année, que vous ayez une protection divine sur vous. And no weapon formed against you shall prosper. Et il n'y a pas d'arme forgée contre vous qui prospérera. Weapons may be there. Il peut y avoir des armes forgées. But they will not attain their intention. Mais ils ne vont pas atteindre leurs objectifs. Because God says, parce que Dieu a dit, I am the one that created the blacksmith. C'est moi qui a créé le forgeron. Who formed the weapon? Qui est en train de forger les armes. No weapon formed against you shall prosper. Ainsi, il n'y aura pas d'armes forgées contre vous qui prospéreront. Every tongue that will rise in judgment against you. Chaque langue qui va s'élever pour vous juger. You shall condemn. Vous allez le condamner. And every gathering. Chaque rencontre gathering against you, qui sera en train de se rencontrer contre the vous the Lord, et qui n'est pas pour le nom de Jésus, shall be scattered. Cela sera dispersé. I pray today, je prie aujourd'hui that may the Lord bless you, que Dieu vous bénisse as you bless his people. Quand vous êtes en train de bénir may God son bless peuple. Your sons and daughters. Que Dieu bénisse vos enfants, vos fils may et vos filles be successful. Et qu'ils puissent avoir du succès. May they meet with their enemies at the gates. Qu'ils puissent rencontrer leurs ennemis sur à la grande porte, au portail, au nom puissant de Somebody Jésus. Clap to the Lord. Que quelqu'un acclame pour le Seigneur. For this church, pour cette église, the ark of the covenant of God, l'arche de l'alliance de I Dieu. Said the other time, j'ai dit l'autre fois, ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Les promesses de Dieu jamais ne seront brisées. Akisema atatenda, quand atatenda. Il le fera certainement. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia. Si il dit il va te bénir, personne ne va bloquer cela. The word of the Lord cannot come out of his mouth. La parole de Dieu ne peut pas sortir de sa bouche and go back to his mouth et rentrer à sa bouche until it fulfills jusqu'à the purpose. À ce que ça puisse accomplir son objectif. And I declare upon this church, et je déclare sur cette église and I declare upon you, et je déclare sur ta vie the presence of the Lord que la présence de Dieu shall follow you continually. Va te poursuivre tous He les will jours. Never leave you. Ça ne va jamais t'abandonner. He will never forsake you. Ça ne va jamais t'abandonner. The Lord will go with you l'Éternel ira avec to toi fulfill his promises pour accomplir ses promesses that he has upon your life. Qu'il a parlé, qu'il a prononcé in sur ta Jesus, vie. Au nom de Jésus. I speak good health. Je prononce la bonne santé, wealth. la prospérité. May you receive energy. Que tu reçoives l'énergie. Divine energy. L'énergie divine. Energy that will allow you to finish the journey. L'énergie qui va te donner la force de finir la course. By the time we are called home. Le temps que nous serons en train d'appeler pour retourner à la maison. You shall be so strong. Tu seras tellement fort. That you will leave a legacy. Que tu vas laisser une légende. You will not die. Tu ne mourras pas. But you shall live. Mais tu vas vivre. To declare the glory of the pour Lord. Déclarer les merveilles de l'Éternel. Somebody clap to the Lord. Quelqu'un applaudit pour le Seigneur, acclame le Seigneur. I am called Pastor Alan Kiyombe. Mon nom c'est Pasteur Alan Kiyombe. I am married to one wife. Je suis marié à une femme. Who is a woman? Qui est une femme? Because nowadays people can marry men. Parce que ces derniers temps les gens commencent à épouser des hommes. Les Mine hommes épousent des hommes. Is one wife who is a woman. Pour moi c'est une femme qui est une femme. We have two sons. Nous avons deux fils. The big one is 10 years. Le grand l'aîné a 10 ans. The small one is 7 years. Et l'autre a 7 ans. I love my family. Et j'aime ma famille. I pastor a church. Je suis pasteur d'une église. A beautiful church. Une église merveilleuse. In Kenya. Au Kenya. Our town is called Kericho. Là où ma ville, on l'appelle Kericho. It is a tea town. C'est une ville où il y a beaucoup de thé. We call it White Highlands. On appelle ça les montagnes blanches. The most beautiful place in Kenya. C'est l'endroit le plus beau du Kenya. Amen. Amen. I am a pastor. Je suis pasteur. I major so much in prayer. Je travaille beaucoup dans la prière. An intercessor. Et dans l'intercession. But I do a lot of spiritual warfare. Mais je fais beaucoup de combats spirituels. That is my line. C'est ça mon ministère. I minister deliverance and healing. Je fais le ministère de la délivrance et de la guérison. God called me in the book of Luke chapter 4 verse 18 and 19. Dieu m'a appelé dans le livre de Luc chapitre 4 versets 18 et 19. That says the spirit of God is upon me because he has anointed me. Il a dit l'esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. And I do deliverance a lot. Et je fais beaucoup de services de délivrance. Heal the sick. Pour guérir les malades. Casting out demons. Chasser les démons. And declare the acceptable year of the Lord. Et déclarer l'année de l'Éternel. May this be your acceptable year. Que ceci soit l'année de l'Éternel dans ta vie. The year of favor. L'année de grâce. When God et de faveur. Decided to visit you. Où Dieu a décidé de te visiter. You know, every year is not every year. Vous savez, c'est pas toute année qui est n'importe quelle année. Every year can be the same. Chaque année peut être la même. But there's always a certain year. Mais il y a toujours une certaine année. That God has appointed. Que Dieu a planifié. To show himself on your behalf. Pour qu'il puisse se faire voir May en ta faveur. May the year 2020 que be that l'année year. 2020 soit ton année. Israel stayed in Egypt 400 years. Israël sont restés en Égypte pendant 400 ans. But there was a year. Mais il y avait une année. That the Lord said. Où Dieu a dit. I have heard the cry of Israel. J'ai écouté le pleur d'Israël. Therefore, I sent you to release them. Ainsi, je t'envoie pour les délivrer. The appointed time. Au moment opportun. May it happen to your life. Que cela soit ton partage. In Jesus' mighty name. Au nom de Jésus. Let us celebrate the Lord. Acclamons pour le Seigneur. My brother has been preaching. Mon frère, he has been teaching. Mon frère était en train de vous enseigner. We agreed on what to teach. Et on s'est entendu sur ce que nous allons enseigner. And I will teach. Et je vais enseigner. We thank God for Isaiah 6. Nous remercions Dieu pour Ésaïe 6. When King Uzziah died, quand Moïse est mort, I also saw the Lord. J'ai aussi vu l'Éternel. That he was exalted. Il était exalté. Praise the Lord Jesus Christ. Amen. We declare open heavens. Nous disons que le ciel soit ouvert. That you shall experience open heavens. Que vous puissiez expérimenter le ciel ouvert. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I want to teach. J'aimerais enseigner. Changing the spiritual climate. Changer le climat spirituel. Changing the spiritual climate. Changer le climat spirituel. When we speak about open heavens, quand on parle du ciel ouvert, we speak about a spiritual climate. On parle d'un climat spirituel. Therefore, I want to address our current climate. Ainsi, j'aimerais parler de notre climat actuel. And guide us into a new climate. Et nous conduire vers un nouveau climat. Then we move with power. Et puis nous allons marcher avec Then puissance. Then we move with authority. Après, nous allons marcher avec In autorité. Jesus au nom name. De Jésus. As I teach. Quand je serai en train d'enseigner, I will also pray. Je serai en train de prier I will lead aussi. Us in prayer. Je vais aussi nous conduire Tomorrow, dans un moment de prière. Teach, Demain, then lead us in prayer. Je vais enseigner et nous conduire On dans Friday, la prière. Le vendredi, I will do a prayer. Je vais faire une prière. We call it deliverance prayer. On appelle cela une prière de délivrance. I will lead us to pray in the things that we've been learning. Je vais nous conduire à prier par rapport à ce que nous aurons appris. Et le samedi, we shall deal with our region. On va maintenant parler de notre région. On Sunday, et le dimanche, we shall speak blessings. Nous serons en train de parler des mots de bénédiction et de faveur. In Jesus name. Au nom de Jésus. Open with me the book of Mark. Ouvrons ensemble le livre de Marc. Chapter 5. Marc chapitre 5. I'll just read selectively. Je veux lire certains versets. Because of time. À cause du temps. Mark chapter 5. Marc chapitre 5. Verse 1 says. Le premier verset. You can read. Le premier verset dit, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarénien. » Continue. « Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. » Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Come up to verse 9. Jusqu'au verset 9. Ok. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosternant devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?»« Le Jean est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. » Amen. We shall continue reading and reading throughout the week. Nous allons continuer à lire de plus en plus pendant la semaine. And the scripture in the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Et dans le livre d'1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. The Bible says we are the temple of the Holy Spirit. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit. We are a house of the Holy Spirit. Nous sommes une maison du Saint-Esprit. And before I come to that scripture. Et avant d'arriver à ce verset. And before I share the whole text. Et avant de partager tout le texte. I thank God because of what the pastor was doing. Je remercie Dieu pour ce que le pasteur était en train de faire. As he was leading us in prayer. Quand il était en train de nous conduire dans les moments de prière. When we read Psalms 137, quand nous lisons dans Psaume 137, from verse 1 to verse 4, du premier au quatrième verset, the psalm begins to speak that we are told to sing the Lord's song in the land of the foreigners. Le psalmiste est en train de dire il faut chanter un cantique de l'Éternel dans la terre étrangère. He said by the rivers of Babylon. Il dit dans les rivières de Babylone. There we sat down. Là nous asseyons. We hung our harps. Et nous avions nos maisons. Because the enemy had told us. Parce que l'ennemi nous avait dit. Sing for us. Chante pour nous. The Lord's song. Les chants de l'Éternel. In a foreign land. Dans une terre étrangère. Then the psalmist says, et puis les fils how ont dit. Can we sing the Lord's comment song est-ce in a foreign land? Nous allons chanter les chants de l'Éternel dans une terre étrangère. How can we sing? Comment est-ce qu'on va chanter? And you see, I've been studying the church. Vous voyez, je suis en train d'étudier l'Église. I've been studying Christians. Et je suis en train d'étudier les chrétiens. And I've come to discover et je me suis rendu compte that we always sing the Lord's song que in captivity. Nous chantons toujours les chants de l'Éternel quand nous sommes en captivité. We come to church, nous venons à l'Église. We are praising God, nous sommes en train d'adorer we are worshiping Dieu. God, nous sommes en train de le louer. But we are tormented by mais the devil. Nous sommes en train d'être tourmentés par le diable. What we profess, ce que nous confessons our lives on the ground, et notre vie réelle, they don't agree together. Ce n'est pas ensemble. We sing the Lord's song in captivity. Nous sommes en train de chanter les chants de l'Éternel we en captivité. Jehovah Rapha, nous disons Jehovah Rapha, the Lord our healer, Dieu notre guérison, notre but we die in sickness. Mais nous sommes en train de périr dans, we les, say God, dans, les, our dans les maladies. Nous disons Dieu notre délivrance, but our children are bound. Mais nos enfants sont liés. We say our father is rich. Nous disons notre père est riche. Silver and gold belongs to him. L'or et l'argent lui appartiennent. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu. But we are poor and mais poor. Nous sommes de plus en plus pauvres. All the things that we profess toutes about ces our choses God, que nous confessons sur notre Dieu. We end up having nothing of it. En fin de compte, il n'y a rien que nous and avons. Even David at some point said, et même David a dit à un certain when moment, they heathen looked unto me, quand les gens m'ont regardé, they asked me, ils m'ont posé la question, where is your God? Où est ton Dieu? Because they saw my troubles. Parce qu'ils ont vu que je suis en train they de souffrir. Saw my struggles. Ils ont vu comment but je suis en train I am de peiner. Saying that my God is et mais je dis que mon Dieu est grand. And what I am. et ce que je suis, they don't agree. Ça, c'est contraire. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Singing the Lord's song chanter in captivity. Les cantiques de Dieu dans la captivité. I started church. J'ai commencé une église. Where I was a small boy. J'étais un garçon. Then I got married. Et puis je me suis marié. To a very small girl. À une petite fille. Both of us were children. Nous étions tous des enfants quand nous sommes mariés. In the period of our marriage. Et quand nous sommes mariés. My wife conceived. Ma femme, elle est tombée enceinte. And we were happy. Et nous étions contents. Just like any other man. Juste comme n'importe quel homme. First pregnancy. La première grossesse. I used to touch it. J'étais en train de toucher. Play with it. Je joue avec ça. Feel it. Je sens comment le bébé. It. Je prie pour ça. Month one. Premier mois. Two. Deux. I continued like that. Et ça a continué ainsi. In that period. Dans cette période, in our nation, dans notre pays, there was an election. Il y avait des élections. And in this election, et dans ces élections, it was a competition of somebody, c'était des compétitions entre certaines personnes, so much, avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. And I think he has a solution for our nation. Et je croyais vraiment que cette personne a la solution pour notre and pays. Somebody that I think, et quand j'étais en train de penser, I was thinking, ce que j'étais en train de penser, he will destroy our nation. Je disais, l'autre il va détruire la nation. But my man was doing well. Mais le type que je soutenais faisait, and ça marchait bon. My man is going to win the election. Et je croyais vraiment que ce gars va gagner les élections. So in my pride, donc avec ma fierté, in my boastings, et en train de avec ma fierté, I held the womb of my wife. J'ai pris le ventre de ma femme, and told my child, et j'ai dit à mon fils, who was still in the womb, qui était encore dans le ventre, you will not be born when this man is a president. Tu ne vas pas être, tu vas pas naître quand cet homme est encore président you, de ce pays. You cannot see this man. Tu ne veux pas, tu vas pas, tu peux pas voir cet homme. Leading our nation. Qui est en train de diriger notre pays. A careless talk. Et juste. Sorry. A careless talk. Et il parlait n'importe comment. The election came. Et les élections sont arrivées. I don't know what happened. Je ne sais pas ce qui s'est passé. I think the election was stolen. Je crois que les élections ont my été tronquées. Was defeated. Et le gars que je soutenais a échoué. People began to fight. Et les gens ont commencé à se battre. Some people came to hide in my house. Certaines personnes sont venues se cacher it dans was ma maison. Very chaotic. C'était vraiment du chaos. Then when the problem ended, et quand toute l'histoire s'est terminée, our doctor told us, le docteur nous a dit that my wife has the child has a fetus distress. Et il a dit que l'enfant, le fœtus a un problème, est en détresse dans le ventre. The child was stressed in the season of the battle. Il dit que l'enfant a été stressé pendant la période des troubles. Therefore, the child is dead. Et ainsi, l'enfant est mort. Inside the womb. L'enfant est mort dans le ventre. So the child was evacuated. Donc, il fallait qu'on puisse enlever l'enfant. Both of us were children. Et nous tous, nous deux et avec ma femme, nous we étions encore des cried enfants. A lot. Nous avons pleuré beaucoup. The members of the church are coming. Les membres de l'église sont venus. Telling us. Ils nous disaient. You are pastors. Why are you crying? Vous êtes pasteur. Comment vous pleurez? You have been telling us. Tu étais en train de nous dire. That we should be strong. Qu'il faut que nous puissions être forts. Why are you crying? Pourquoi toi tu pleures? So we decided to be strong. Donc on a décidé d'être fort. Strong in the outside. Mais on était fort en dehors. But crying in the inside. Mais au dedans on pleurait. So another problem began. Et un autre problème a commencé. My wife told me. Ma femme me dit. You know you are the one who killed my child. Tu sais c'est toi qui as tué mon enfant. By your own words. À cause de tes paroles. I'm telling you. Je te dis. Every evening. Chaque soir, she could not speak to me. Elle ne pouvait pas me parler. She didn't want anything to do with me. Elle ne voulait même pas me sentir. During the day, et pendant la journée, we go to church. Nous allons à l'église. We are not talking. Nous ne parlons pas. When we enter into the church, et quand nous entrons à l'église, because people are there, et parce que les gens sont là, we both smile. Et on va faire semblant de sourire. So all of them think that we are okay. Donc tout le monde croit que tout va bien entre le couple when pasteur. The church ends, et mais quand l'église est finie, we return to our mode. Nous rentrons à nos problèmes. We stayed like that for almost 1 year. Presque une année dans cette situation. Everyone thought that we are okay. Tout le monde croyait que tout va bien avec but nous. The two of us knew. Mais en réalité, nous deux, nous savions. Here I'm suffering guilt. Qu'il y avait cette culpabilité. I think my words killed my child. J'ai parlé des paroles et ça a tué mon enfant. My wife also is crying. Et ma femme est en train de pleurer aussi. Bitter with me. Elle est fâchée contre moi. That your words killed my que child. Tes paroles ont tué mon enfant. It was tough. C'était difficile. I'm telling you, by the time we got our other child, je vous dis, quand nous avons eu l'autre enfant, I was not even allowed to touch the child. Je n'étais même pas permis à toucher le ventre de ma femme cette fois-ci. Là, cette fois-ci, tu ne touches pas. Why am I saying this? Pourquoi je dis tout ça? I am a pastor. Je suis pasteur. But I'm crying. Mais je pleurais. I am a pastor. Je suis pasteur. But I am accused. Mais je suis accusé. That I've killed my child. Que j'ai tué mon enfant. I am a pastor. Je suis pasteur. But I'm not speaking with my wife. Mais je ne suis pas en train de parler à ma I femme. Am a pastor. Je suis pasteur. But we are not eating together. Mais nous ne sommes pas en train de manger ensemble. Yet when I go to church. Mais quand je vais à l'église. We do. We smile. Ah, y a le sourire. When we come out of church, quand nous quittons l'église, we close our mouth. Ça c'est fini. In the morning, if somebody comes to my house, I am a prayer man. They normally come for prayer. Et souvent les gens viennent chez moi à la maison pour la prière le matin. We are always like this. Et nous sommes toujours fâchés. But the moment the knock is at the door, mais quand quelqu'un va toquer, we open the door, nous ouvrons la porte. Praise the Lord, somebody. Gloire à Dieu. And that's how Christians are. Et c'est comme ça que le chrétien se comporte. Some people are being beaten in their marriages. Certaines personnes sont vraiment brisées dans leur mariage. Some people are miscarried here. Certaines personnes sont en train de souffrir d'une manière et d'une Some autre. Some people are sick here. Certaines personnes sont malades. Some people are broke here. Certaines personnes sont brisées. Some people even they don't know where they are going to sleep or eat Certaines today. Certaines personnes ne savent même pas qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui ou ils vont passer la nuit. Some people they know that when I'm it's only here that I can laugh. When I go home, I go meet with slaps, I go meet with kicks. Certaines personnes savent que ici ils peuvent rire, mais quand ils vont à la maison, c'est fini, on va gifler, on va frapper, on va But when we come here. Mais quand on vient ici? Alléluia. Alléluia. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu. In the night you did Amen. Not sleep. Mais la nuit, on n'a pas dormi. During the day. La journée. Alléluia. Alléluia. In the night, you are beaten. Et la nuit, on va nous frapper. On Sunday. Et le dimanche. Alléluia. Alléluia. You don't have food. Vous n'avez pas à manger. You don't know where you are going to sleep today. Vous ne savez pas où vous allez Your passer la nuit aujourd'hui. Vos enfants se sont rébellés. Some of the children are drunk. Certains des enfants sont devenus des ivrognes. Alléluia. Mais ici, c'est Alléluia. Singing the Lord's song Chanter in les cantiques de l'Éternel dans la captivité. How shall we sing the Lord's song comment, in captivity? Comment est-ce qu'on va chanter les chants de l'Éternel dans la captivité? May the Lord deliver us. Que Dieu nous délivre. In Jesus mighty name. Au nom de Jésus. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. You know, before I preach, my father and my mother divorced. Avant que je commence à prêcher, il y a mon père et ma mère qui ont fait le divorce. Then our father said, et puis mon père a dit that we are not his children. Que nous ne sommes pas ses enfants. That our mother cheated him. Que non, notre mère nous a eu avec un autre Which homme. Is a lie, because I look like my father, et I c'est speak faux like parce my father. Que je ressemble exactement à mon père. Even these dimples, même les fossettes ici, it looks like him. C'est exactement mon papa. Even this marks here. Même tout ce que vous voyez, c'est vraiment mon But père. My father says, Mais mon père a dit we are not his children. Vous n'êtes pas mes enfants. Then he married another woman. Et il s'est marié avec une autre And femme. He rejected us. Il nous a complètement rejetés. We struggled with our mother. Nous étions en train de souffrir Then avec God maman. Began to assist us. Heureusement, God began to assist us. Dieu a commencé à nous appuyer. Now, Et puis, we are assisted by God. Dieu est en train de nous assister. And our father is old. Et notre père est en train de vieillir. Sometimes he calls me. Et quelquefois, il m'appelle. Even when I'm preaching here. Et même quand je suis en train de prêcher ici. The moment I see his phone. Quand je vois le téléphone, I immediately pray and fast. Je commence à prier Even et jeûner. That second, dans ces secondes-là, because when I pick it, parce que si je décroche, he insults me. Il va m'insulter. Hey, he insults me. Il m'insulte sérieusement. Then I put my phone, et quand je dépose le téléphone, I wipe my tears, je suis les larmes. Then I come back to church. Et je reviens à l'église. Praise God. Et je dis gloire à Dieu. Hallelujah, somebody. Alléluia, église. Everyone thinks that all is well. Tout le monde croit que tout va bien. Yet I am suffering. Mais je suis en train de souffrir. How can we sing the Lord's Comment song est-ce que nous allons captivity? Chanter les chants de l'Éternel dans la captivité? Somebody clap to the Lord with Quelqu'un me acclame pour le Seigneur. How? Comment? Praise the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. How shall we sing the Lord's song in Comment captivity? Comment nous allons chanter les chants de l'Éternel dans la captivité? You know, the other day, I was sick and I discovered that his mattress and blanket is spent, is destroyed. À un certain moment, il était malade. Je me suis rendu compte que son matelas et consorts sont déjà détruits. So by, because I'm a Christian, et comme je suis un chrétien, I decided to buy my mattress, j'ai décidé de lui acheter un matelas a blanket, et une couverture. But as I am carrying it, mais quand j'étais en train de porter ça, inside my heart, c'était en mon cœur. I'm telling myself, j'étais en train de me dire en mon cœur, that woman, cette femme who caused us to suffer, qui nous a fait souffrir, is going to sleep in this blanket. C'est elle qui va dormir aussi sur ce matelas. At some point, I would go back with it. À quelques moments, je rentrais d'abord avec le matelas. Et puis je me souviens, bon, c'est mon père après tout. We are hurted. Ça fait mal. How shall we sing the Lord's song? Comment allons-nous chanter les chants de l'Éternel? In captivity. Dans la captivité. May the Lord deliver us today. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. So that when we sing the Lord's song, pour que nous puissions chanter ces chants. We sing the Lord's song in truth. Que nous puissions les chanter en vérité. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus. We can now clap to the Lord. Nous pouvons maintenant acclamer pour le Seigneur. After I discovered this problem, quand j'ai découvert ce problème, I decided to seek God, j'ai décidé de chercher la face de so Dieu that I may not sing the Lord's song in captivity. Pour que je ne puisse pas chanter les chants de l'Éternel en captivité. And by pursuing these issues, et en étant en train de poursuivre ces choses, I decided to pursue in prayer. J'ai décidé de poursuivre cela en prière. I decided to pursue in fasting. Je dis, je veux poursuivre en jeûne. And now this will form my teaching this week. Et c'est cela qui va faire l'objet de ma prédication as we cette semaine. At the Bible, quand nous regardons la Bible, upon the life of this man, dans la vie de cet homme, the Bible calls this man, la Bible appelle cet homme the demoniac, le démoniaque of Gennesaret, le fou de Gennesaret. That is the name of that man. Mais quel est le nom de cet homme? That is what the Bible calls him. C'est ça que le nom que la Bible, Bible a donné à cet homme. That when Jesus was entering the town, la Bible dit quand Jésus entrait dans la ville, and a certain young man was running, et il y a un homme qui courait, and he ran towards him, et il a couru vers and Jésus. This man, according to the Bible, et selon la Bible, cet homme, he is called the demoniac. Il est le possédé. That is the name that the Bible has. C'est le given nom him. Que la Bible lui a donné, le possédé. And yet I know very well, pourtant je sais très bien, when you study the Jewish culture, quand vous suivez la culture grecque juif, personne n'a été, on a donné à personne le nom everybody de possédé. Chacun avait eu un nom. Maybe he was called John. Peut-être on l'appelait Jean. Maybe he was called Peter. Peut-être on l'appelait Pierre. Maybe he was called Susan. Peut-être on l'appelait Suzanne. But the Bible is not calling her that name. Mais la Bible n'appelle pas cet homme the en ce Bible nom-là. Is calling her the demoniac. La Bible appelle cet homme le possédé. Why? Pourquoi? The Bible says, la Bible dit, because this man, parce que cet homme was possessed, était possédé by demons, par des démons. The demons had taken over his life. Les démons avaient déjà pris contrôle de sa vie. And because of the way he was behaving, et parce que à cause de la façon and dont il s'est comporté, of the way he was staying, et à cause de d'où il était, his name was erased. Son nom a été effacé. And then he was given a new on lui name. A donné un nouveau nom. And his name became the demon. Et son nom a été le possédé. Even he himself, et même lui-même, he forgot about his name. Il a oublié son propre nom. When Jesus asked him, quand Jésus lui a posé la question, quel est ton nom? He said, I il am a répondu, Legion. On m'appelle Légion. He forgot his name. Il a oublié son nom. Instead of telling Jesus, I am Peter, au lieu de dire à Jésus, je m'appelle Pierre, or I am James, ou je suis Jean, he's ou Jacques, Jesus, il dit à Jésus, my names are called je suis Légion. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu. Hey, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Now, why was the Bible calling this man demoniac? Pourquoi la Bible l'appelle le possédé? And why is the Bible, why is he calling himself Legion? Et pourquoi lui il s'appelle lui-même Légion? Because the Bible says, parce que la Bible dit, the man had been possessed by demons. Il était possédé par des démons. And then the Bible says, et la Bible dit, that he was calling himself a Legion. Il s'appelait Légion because there were so many demons living in him. Parce qu'il y avait beaucoup de démons qui habitaient en lui. Now we go back to our Bible. Et si nous rentrons dans la Bible, about this man, par rapport à cet homme, the Bible says, la Bible dit, that this man, que cet homme, would not rest in their home. Il ne pouvait pas dormir dans la maison. He used to rise up. Il se réveillait le matin. Then remove his clothes. Il enlève ses habits. He became naked. Il était nu. Then he would run. Et il va courir. Into the tombs. Il va aller au sépulcre. And into the mountains. Et dans les montagnes. And he would cut his body. Et il va se blesser. And the Bible says, et la Bible dit, there was no man. Il n'y avait pas un and homme. There was nothing il n'y avait rien that would tame him, qui pouvait le dompter. That there was nothing il n'y avait rien that would manage this man qui pouvait le dompter to sit down pour le faire qu'il puisse s'asseoir. Demons parce que les démons were driving him. Ils étaient, les démons étaient en train de le conduire. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? I am setting a stage for our prayer. Je suis en train de mettre le montrer to un peu comment our spiritual climate. Nous faire comprendre pour que nous puissions prier pour changer notre climat spirituel. The Bible says, la Bible dit, don't you know? Ne vous savez-vous pas that our bodies que nos corps are the temple of the Holy Spirit. Sont le temple du Saint-Esprit. You know, this body, vous savez, ce corps, whatever you are seeing, ce que vous voyez là, if I ask you, si je vous demandais, you'll say, oh, he's light color, vous avez dit, il est, it's not so tall, it's not so il short, pas très, il n'est pas trop court, it's il not est so court, big, it's il not est so grand, small. Il est petit. This is what we call what? The body. Ce qu'on appelle le corps. But the work of this body, mais le travail de ce corps is a house. C'est juste une maison. But it houses. C'est une maison où, qui habite the Holy Spirit. Qui habite le Saint-Esprit. Praise the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. Your body is ton corps, a house of the Holy c'est Spirit. La maison du Saint-Esprit. Are we together? Nous sommes ensemble. What lives in this body? Ce qui vit dans ce corps, apart from the food that we are eating, à part la nourriture que nous mangeons, which we release immediately, que nous faisons aussi évacuer immédiatement, what lives here, ce qui vit en nous, is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. It is a temple. C'est le temple. This place is called a church. Cet endroit on appelle l'église. A church is a temple. L'église est un temple. And we are here, et nous sommes ici, because it is a parce que c'est un temple. Therefore, our bodies are like this church. Notre corps c'est comme cette église. And inside our bodies, et dans, au dedans de notre corps, the Holy Spirit lives here. Le Saint-Esprit habite là-bas. Why am I glad? Pourquoi je suis content? It's because I know parce que je sais that the Holy Spirit que le Saint-Esprit lives in this body. Vit dans ce somebody corps. Say amen. Quelqu'un dit amen. I may be weak. Je peux être faible. I may be poor. Je peux être pauvre. I may be hurting. Je peux être en train I de may pleurer. Be strong. Je peux être fort. I may be rejected. Je peux être rejeté. But what gives me joy? Mais ce qui me donne la joie, it is because c'est parce que the Holy Spirit le Saint-Esprit lives in this house. Vit dans ce corps, in dans cette maison, au nom de I Jésus. Know and I know je sais et je sais I am, que partout où je suis, the Holy Spirit le Saint-Esprit still lives in demeure this house, dans cette in maison, Jesus, au name. Nom de Jésus. Hey, we can clap to the Lord est-ce together? Qu'on peut acclamer pour le Seigneur ensemble? Now, the way God formed us, la façon dont Dieu nous a façonnés, the way God created us, la façon dont Dieu nous a créés, he molded our bodies, il nous a façonnés, and he created a facility that is called a house of spirits. Et il a créé quelque chose qu'on appelle une maison de l'esprit. There, the spirit lives. Là où l'esprit va vivre. And the spirit of God, et l'esprit de Dieu, is the legal resident of every body. C'est l'occupant légal de chaque corps. Is the owner. C'est le propriétaire. He is supposed to live there. C'est lui qui doit vivre là-bas. But in the absence of the Holy Spirit, mais en l'absence du Saint-Esprit, the body cannot just stay like that. Le corps ne peut pas rester ainsi. Other spirits come and live. Il y a d'autres esprits qui peuvent venir et prendre la place. And this is the story of this young man. Et c'est l'histoire de ce jeune homme. But instead of the Holy Spirit, au lieu que le Saint-Esprit living in his body, puisse vivre dans son corps, the Bible says, la Bible dit, the unclean spirits live les in esprits his impurs body. Vivaient dans son corps. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Look at these two people. Regardez ces deux gens. Jesus, Jésus, being full of the Holy Spirit, qui est plein du Saint-Esprit, comes to this man. Il vient à cet homme. The Holy Spirit lives in Jesus. Le Saint-Esprit qui vit en and Jésus. He meets with a man, et il se rencontre cet homme, filled with millions of unclean spirits, qui est rempli des esprits impurs. Praise the Lord Jesus. Gloire à Jésus. Two people. Deux personnes. One with the Holy Spirit. L'un plein du Saint-Esprit. Another with the evil. L'autre spirit. Plein des esprits impurs. Another with the unclean spirits. L'autre avec des esprits impurs. Why are we in church? Pourquoi nous sommes à l'église? Why are we praying? Pourquoi nous prions? Why are we fasting? Pourquoi nous jeûnons? Why can we sing? Pourquoi nous chantons? I've heard the way you've been singing here. J'aime la façon dont vous chantez and ici. I discovered you can sing and sing and sing. Et je me suis rendu compte que vous pouvez chanter et chanter. Because the Holy Spirit lives c'est in parce you. Parce que le Saint-Esprit habite it's en the ce Holy lieu. Spirit c'est le Saint-Esprit that is making you to sing. Qui fait que vous puissiez chanter. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. But this other man, mais cet homme, cet autre homme, was also behaving differently. Il se comportait différemment. Because the evil spirit were living in him. Parce que les esprits impurs habitaient the en Bible lui. Says, la Bible dit, the spirit gives life. L'esprit donne la vie. The spirit gives life. L'esprit vivifie. How we behave How we behave. Comment nous nous comportons. How we think. Comment nous pensons. How we act. Comment nous nous comportons, where nous agissons. Live, nous, je crois, what we do, ce que nous croyons, ce que nous faisons, determined. C'est toujours déterminé by the spirit par l'esprit that lives inside qui of us. Habite en nous. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. If it is the Holy Spirit, si c'est le Saint-Esprit, you discover that you do holy things. Tu te sens que tu, fais en tra- tu es you en train de faire des choses saintes. God. Tu fais les choses de Dieu. You don't struggle with the matters of God. Tu n'as pas du mal à faire les choses you de can Dieu. Forgive, tu peux pardonner. You can bless, tu peux bénir. You can release, tu peux lâcher. You can do a lot of things. Tu peux faire beaucoup de choses. If it's the evil spirit, si c'est les esprits impurs, it also gives you its life. Ça te donne aussi sa vie. Number one. Donc, because we are the temple of the Spirit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. The Spirit gives life. L'Esprit vivifie. The life that we live, la vie que nous vivons, is determined by the spirits. C'est déterminé par les esprits that are living inside of us. Qui sont au dedans de nous. The life that we live, la vie que nous vivons, is determined, est déterminée by the spirit, par l'esprit that lives in us, qui habite en nous. If the Holy Spirit lives in us, si l'Esprit Saint habite en nous, we live a godly life. Nous vivons une vie and de sainteté. And if it's the evil spirit that lives et si in c'est us, les esprits impurs qui sont we en nous, live alive, nous allons of the enemy. Vivre une vie selon l'ennemi. A pastor friend of mine. Il y a un ami pasteur. We come from the same town. Nous venons de la même ville. She's a mother. She's a lady. C'est une dame. And very good-hearted. Et elle est vraiment, elle a un bon cœur. But insensitive in the spirit. Mais elle n'est pas sensible aux One choses day, de l'esprit. Un jour, we were walking on the street. Nous étions en train de nous promener Then sur la route. Then we met a mad woman. Et il y avait une femme qui était a mad folle. Woman that has stayed in our town forever. Une folle qui est dans notre ville, ça we fait were longtemps. Born and we found her there. Nous étions nés et la folle était là. Very mad woman. Vraiment, elle est folle. Very dirty. Elle est vraiment sale. Eating every dirty things. Elle mange n'importe She quoi. Could not live in a house. Elle ne pouvait pas vivre dans sa maison. And now the pastor said, et le pasteur a dit, I want to practice Christianity. Je vais un peu pratiquer la christianité. She took her sandals. Elle a pris ses chaussures. Her own shoes. Ses chaussures. She went and she put it on the woman. Elle est allée, elle a mis ça, donné à la folle. So, she gave the mad woman her shoes. Elle a donné à la folle ses souliers. And then she was happy. Et la folle était contente. I've done something for God. Oh, le pasteur était content. Il a dit, j'ai fait quelque chose pour her, Dieu. Ah, what are you doing? On lui a demandé, qu'est-ce que tu Your as fait? Own shoes. Tes propres chaussures. So in the evening she goes home. Alors le soir, elle va à la maison. With the mad woman slippers. Et avec les babouches And de la folle. It somewhere outside there. Et elle a mis ça quelque part dehors. They ate supper. Ils ont mangé. Around 9. Vers 21h. She has a university student. Elle a un enfant qui est à l'université. Who is a young man. Qui est un garçon. Then this man, le garçon, after dinner, après le manger, le soir, before they sleep, et ils ont prié avant de dormir. He rises up, il se lève. He tell them, wait, il dit, attendez. I want to show you something. J'aimerais vous montrer quelque he goes chose. Through the, he goes outside there, il va dehors. He puts on the slippers, il met les babouches, of the mad woman, les babouches de la folle. He comes in the house, il entre dans la maison. He removes his clothes, il enlève ses habits. Then he puts some ragged things, et il a mis des choses, des vêtements bizarres. Inside a bag. Dans un sac, walked out, il va dehors and became madman officially. Et il est devenu fou from that time. À partir de ce jour-là. What had happened? Qu'est-ce qui s'est passé? The exchange of the shoes l'échange des chaussures was an exchange of the spirit. C'était un échange dans l'esprit. The spirit of the mad woman l'esprit de la folle entered into the boy, est entré dans and ce the jeune homme. Gives life. Et l'esprit donne la vie. And he gave the boy the life of madness. Et ça a donné à ce jeune garçon l'esprit de folie. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? Praise the Lord Jesus Christ. Gloire à He Dieu. Became properly mad. Il est devenu fou complètement. We prayed. Nous avons prié until pour we blamed God. Jusqu'à ce qu'on a dit Seigneur, c'est ta faute. Because the man did not heal. Parce que cet homme n'a pas été guéri. Recently the mad woman died. Récemment, la folle est morte. And then the boy's life is now beginning to change. Et maintenant la vie du garçon commence à changer. One day, un jour, I had invited some preachers. J'avais invité certains prédicateurs. And we did a lot of prayer. Et nous avons fait beaucoup de prières. In our city. Dans notre ville. My wife had traveled far. Ma femme avait voyagé. My big boy was a baby. Et mon garçon était encore bébé. And then maybe I don't know what we did. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. In that prayer. Dans cette prière. So in the evening I'm happy. Et le soir je suis content. People are healed. Les gens ont People été guéris. Delivered. Les gens ont été délivrés. I feel like a cold pastor. Je me sens que je vraiment j'ai l'appel. Is so high. Et l'onction est là. The moment I open my gate. Et quand j'ouvre la porte, le portail. I find the house help. je trouve la domestique with the two children outside. Avec les deux enfants, ils sont dehors. They are standing outside. Et ils sont dehors, en dehors de la maison. I'm asking them what's wrong. Et je demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. The young man runs to me. Et le jeune homme he was about 5 years. Mon petit garçon qui n'avait que 5 ans. He tells me, Daddy, il me dit, papa, today, aujourd'hui, you are going to see me. Aujourd'hui, tu vas me sentir. We are going to wrestle with you. Et aujourd'hui, on va se battre avec toi. Until you know this God of yours. Jusqu'à ce que tu saches que ton Dieu là, he is a lie. Il est menteur. I ask him what? Je dis quoi? The house help tells me. Et la domestique he has become me dit, arrogant. L'enfant est devenu arrogant. Rough. Il est devenu brutal. Just praising the enemy. Il est en train de donner louange à l'ennemi. He doesn't want to see the Bible. Il veut pas voir la Bible. I knew. Et je savais that the prayers that we were doing there que les prières que nous étions en train de faire fired on me officially. C'est cela qui vient de nous me frapper. And the enemy et l'ennemi had attacked my child. A attaqué mon enfant. So I told him, let's go to the house. J'ai dit, entrons à la maison. We went into the house. Nous sommes entrés dans la maison. I told them, let us pray so that we go to sleep. J'ai dit, prions avant de dormir. He tells me, Daddy, il a dit, papa, just open your mouth in prayer. Ouvre seulement ta bouche là, commence then à prier. You will know what I am called. Et tu sauras de quel bois je me chauffe. Ha, I knew this is not a child. J'ai su ça, c'est pas un enfant qui and parle. And if there is a place that can destroy a person, il y a des endroits qui peuvent détruire un homme. It's when the child is c'est quand hit. Ton enfant est frappé. Kama kuna mahali unaweza umia. S'il y a un endroit qui peut te faire mal, unaweza ninyanganya nguo. Tu peux prendre mes vêtements. Unaweza ninyanganya nyumba. Tu peux prendre ma maison. Unaweza ninyanganya chochote. Tu peux prendre tout ce que tu veux. Lakini ukaumiza mtoto mais si wangu, tu touches à mon enfant, umenimaliza. Là, tu m'as eu. In Kenya, we say, umepigwa below the belt. Au Kenya, on dit, on t'a frappé sous la ceinture. I felt weak. Je me suis senti faible. I felt destroyed. Je me suis senti détruit. I felt defeated. Je me suis senti vraiment et puis je me suis souvenu. We are the temple of the Spirit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je me suis souvenu. The Spirit gives life. L'Esprit donne la vie. And I knew very well. Et je savais très bien. The enemy had attacked my l'ennemi a attaqué mon fils. So I said, okay, we are not praying. Everybody donc, go j'ai to dit, sleep. Ok, on ne va pas prier, allons dormir. Told him, let me go and sleep with you in your bed. Et puis j'ai dit, je vais dormir avec and toi, he was mon laughing. Fils. He was telling me, today you are defeated, Daddy. Et il a dit, aujourd'hui, j'étais eu, papa. You always pretend that you are strong in the things of God. Tu dis, tu es fort dans les choses de Dieu. So I went with him. Mais aujourd'hui, je suis allé avec mon fils. Here I discover you people don't use anointing oil. In Kenya, we use anointing oil a lot. Alors, au Kenya, nous utilisons beaucoup l'huile d'onction. I applied it in my hand. J'ai mis l'huile d'onction sur ma main. Slept with him. Je dormis avec lui. Placed my hand here. J'ai mis ma main and another one here, ici et l'autre sur and le ventre. I prayed with him. Et je priais avec as he's lui. Sleeping, I'm praying. Quand il était en train de dormir, moi je priais. As I cry. J'ai prié, j'ai casting pleuré. Out demons, doing j'ai all chassé those things. Les démons, j'ai fait tout ça. By three, vers 3 heures du matin, he coughed. Il a toussé. Then he woke up. Et puis il s'est réveillé. I said, hey, Daddy, where am I? Il a dit, papa, où suis-je? Why are you sleeping here with me today? Pourquoi tu es en train de dormir avec then moi he said, aujourd'hui? Hey, the devil is bad. I love God. Et il a dit, ah, le diable est mauvais, moi j'aime Dieu. And I know that the devil et je savais que le diable vient d'échouer. The Spirit gives life. L'Esprit donne la vie. When you see street children there, quand vous voyez les enfants de la rue, they are eating dirty things. Ils sont en train de faire des choses. It's not that all of them don't have homes. C'est pas dire que tous n'ont pas de maison. Some of them, certains d'entre eux, they have spirits. Il y a des esprits. Unclean spirits. Des esprits impurs. So they keep them there. Qui les contrôlent et qui les gardent là-bas. The Spirit gives life. L'Esprit donne la vie. Let me tell you a little bit. Laisse-moi vous dire quelque chose. If a evil spirit enters a man, si l'esprit impur entre dans a un man homme, begins to behave like that spirit. L'homme commence à se comporter comme that's cet esprit-là. When Jesus c'est pourquoi quand Jésus was healing the blind, était en train de guérir les, he would les say, I cast out the blind spirit. Quand il était en train de guérir l'aveugle, il dit, je chasse l'esprit when d'aveugle. Jesus was healing the deaf and dumb, quand Jésus était en train de guérir le sourd, he said, I rebuke you, the spirit of dumb il dit, je te deaf. Chasse, toi, l'esprit de surdité. When the Jesus was healing an epileptic child, quand il était en train de guérir celui qui avait l'épilepsie, he will say, I rebuke the epileptic il dit, je chasse cet esprit d'épilepsie. Why? Pourquoi? Because when the spirit entered them, parce que quand l'esprit est entré en they eux, began to live the life of that ils ont spirit. Commencé à vivre la vie de cet esprit-là. If a spirit of poverty, si l'esprit de pauvreté enters into a person, entre dans quelqu'un, even if you are employed, même si tu as un boulot, you un travail, lose a job. Tu vas perdre ce travail. Even if you have so much, même si tu as beaucoup, something will just happen, quelque chose va se passer, and your wealth will just disappear. Et toute ta richesse va disparaître. Sickness can come, les maladies peuvent arriver. That consumes all the money, qui vont consommer tout ton argent, because the spirit, parce que l'esprit, gives donne la vie. If you get the spirit of divorces, si tu as l'esprit de divorce and separation, et de séparation, however much you love one another, même si vous vous aimez comment, you'll just discover you start quarreling. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les querelles commencent. Over small matters, sur des petites choses vous vous querellez. Like today, the socks that you have put on, oh non, les chaussettes que tu as mis aujourd'hui, not with your coat, ça ne va pas, ça concorde pas until you fight, avec tes habits, et vous allez vous battre à cause des chaussettes. Oh, you did not call me, oh non, tu ne m'as pas appelé toute la journée, tell me where you are, et tu ne m'as pas dit où tu étais and parti, you fight until you divorce, et vous allez vous battre jusqu'à ce que vous aurez because le divorce. The spirit gives parce que l'esprit life. Donne la vie. Hey, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. If the spirit of being single, si l'esprit de célibat lives in you, vit en toi, even if you are beautiful, même si tu es belle, you just remain beautiful. Tu resteras avec ta beauté. People don't see you as a marriage material. Les gens ne vont pas te voir comme quelqu'un d'épousable. Have you ever seen those girls? Est-ce que vous avez déjà vu ces genres de filles? That everyone relates with them. Tout le monde les apprécie. But no one proposes mais marriage personne to them. Ne dit, je veux-tu m'épouser? They relate with you. Ils sont contents avec toi, ils t'apprécient. There, et mais il y a une petite d'autre fillette qui vient. Et puis ils vont épouser say, l'autre fille say, et te laisser. And you have wasted my time. Et tu as perdu le temps de la fille. The spirit gives life. L'esprit donne la vie. Hey, are we together? Nous sommes ensemble. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? Because I want us to pray this week. Parce que j'aimerais que nous puissions prier cette semaine. Praise the Lord Jesus. Amen. A friend, another pastor who pretends that he's very liberal. Il y a un autre pasteur qui se dit très libéral. He pretends that he's so liberal. Il se prétend être très libéral. One day he accompanied his friends to the club. Un jour, il a accompagné ses amis au bar. And they were drinking alcohol. Et ils étaient en train de boire so l'alcool. He was just drinking soda. Et lui, il buvait le sucré. And he said, you know me, I'm liberal. Et il dit, moi, je suis libéral. Hein? And the demons of drunkenness were entering him. Et les démons de l'ivrognerie étaient en train d'entrer en lui. The following day, le jour suivant, he was the customer. Il était le client of that club himself. Le client de ce bar. The spirit gives l'esprit life. Donne la vie. Alléluia. Amen. Are we together? Nous sommes ensemble. You know, my father divorced with my mother. Vous savez, mon père a divorcé avec ma mère. Almost all of my uncles. Presque tous mes oncles. Have divorced with their wives. Ils ont fait aussi le divorce. They are in their second marriages. Ils sont dans le deuxième mariage. Or third. Ou troisième. And those that have not divorced. Et ceux qui n'ont pas encore divorcé. They are blessed with the children. Outside marriage. Ils sont bénis avec beaucoup d'enfants en dehors when de leur mariage. Funerals of my uncles, quand on va aux funérailles de mes oncles, you will laugh. Tu peux rire. He could be having two children. Peut-être il a eu deux enfants who are sitting in front there. Qui sont là devant. Everyone knows them. Et tout le monde les connaît, but les deux when enfants. They are saying, now, let the children of the deceased stand et quand up. On dit que les enfants du défunt puissent se lever, the whole of this row stands tout le monde, toute une rangée s'élève. Because they have that spirit. Parce qu'ils ont cet esprit. The spirit gives l'esprit donne life. La vie. Hey, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. You know, my sisters, I have four sisters. J'ai quatre sœurs. All of them got pregnant. Tous sont tombés enceintes. When they were in the university. Quand ils étaient encore à l'université. It's like somebody was just timing them. C'est comme s'il y a quelqu'un qui les entendait quand ils arrivent en deuxième année de l'université. It's like grossesse. Somebody deuxième année grossesse. Had paid the devil. Et vraiment le diable était actif avec eux là. They do well in the secondary. Tout marche bien à l'école secondaire. And then they go to university. Et puis ils entrent à l'université. First year in Christian Union. Première année, ça marche. First year they are in CU, Christian Union. Première année, ils sont avec dans le groupe des chrétiens. Very saved. Ils ont vraiment sauvé. Ils sont second bons, year, tout va bien. La deuxième année, still saved. Ils sont encore sauvés. Then you see them beginning to put on heavy sweaters. Et puis vous allez voir, ils commencent à mettre de gros tricots. And jackets. Et des jackets. Even when it is so hot. Même quand il fait chaud, ils sont en jaquette. And we always know that we've been hit here. Et nous savions déjà à Vacha Patikan. All of them four. Toutes les quatre. When I got saved. Et quand je t'ai sauvé. I discovered. J'ai découvert. That in my father's lineage. Dans la lignée de mon all père. All my aunts. toutes mes tantes. They were blessed. Ils ont été bénis before marriage. Avant le mariage. I had to deal with it. Il fallait que je puisse m'occuper because de cette the histoire. Spirit gives. Parce que l'esprit donne la vie. Hey, somebody say amen. Quelqu'un dit amen. That's only point number one. The spirit gives. C'est le premier point. L'esprit donne la vie. Are we together? Nous sommes ensemble. The spirit gives. L'esprit donne la vie. Praise the Lord Jesus. Amen. A cousin of mine. Il y a un cousin. When it was we were young, we were playing together. Nous étions encore jeunes, nous jouions ensemble. Sorry, I'm a preacher. On Sunday I will preach, but now I am. Le teaching. Dimanche je vais prêcher. Laisse-moi d'abord vous raconter and ces I, histoires. I love practical teaching. J'aime des choses pratiques, enseigner des choses pratiques. Now my we were small boys, we were playing. Et nous étions des petits garçons, nous étions en train de and jouer. And taking care of our grandmother's cows. Et nous étions en train de prendre soin des vaches de then nos grand-mères. Another man came. Et il y a un autre homme qui est venu. And then he called us. Il nous a appelés. And he said we didn't know him. Et nous ne savions pas cet homme. Nous that connaissions pas cet homme. That we follow him to the bush. Mais il a dit il faut nous me suivre. So that he may give us sweets. Dans la brousse, il va nous donner des bonbons. Because me, I was raised properly. Comme moi, j'ai été bien élevé. I refuse. J'ai refusé. But this boy, cousin of mine, went with him. Mais le cousin a accepté. Il est parti avec cet homme. After a few minutes, he was screaming. Après quelques minutes, il était en train de crier. He had been abused by that il a man. Été abusé par cet homme. He was very small. Il était encore petit. So he grew up. Il a grandi. He became violent. Il est devenu violent. When he got the age of marriage. Et quand c'était l'âge pour se marier, happened. Je ne sais pas ce qui s'est passé. He killed his father-in-law. Il a tué son beau-père. Several pieces. Il a vraiment entrecoupé. He was taken to jail. On l'a amené en prison. We prayed. Nous avons prié. You know, your brother is your brother, your friend is your friend, your child is your child. Vous savez, votre frère c'est votre frère, votre enfant c'est votre enfant. When it's your family members, we don't call it they have sinned. Avec des membres de famille, même s'ils ont péché, bon. It is called weakness. On dit bon, ils sont faibles. It is only sin when they are not of your family. C'est le péché quand ils sont pas de ta famille, quand c'est ton tes proches, il dit bon, ils sont juste faibles. Now he was released after I think 9 years. Après 9 ans, on l'a fait sortir de prison. Back. Il est rentré. He married a different woman. Il a épousé une autre femme. After like 1 year. Après une année. We are called again. On nous appelle encore. He has killed the girl. Encore, il a tué. He was taken to jail. On l'a amené en prison and encore. When we followed up. Quand on a fait le suivi. The man that molested him. L'homme qui l'a molesté. Had murdered somebody. Il avait tué quelqu'un. And he was running away in the bushes. Et il était en train de courir. And il était fugitif. Found the children that he could et have il a trouvé les enfants. The spirit entered my cousin. Et l'esprit est entré dans mon cousin. And the spirit gave him life of murder. Et c'est l'esprit qui lui a donné cet esprit d'être un tueur. Somebody say amen. Quelqu'un dit amen. Hey, those who are behind there, if you are with me, say to ceux qui sont là derrière, est-ce que si vous êtes ainsi, nous sommes ensemble, vous pouvez. The spirit gives life. L'esprit donne la vie. That's why. C'est pourquoi. Christians are trying so many things. Les chrétiens essayent beaucoup de choses. But we remain the same. Mais nous demeurons les mêmes. We try so many things. On essaye beaucoup. Maybe the difference that we get. Peut-être la différence que nous avons. Is only dressing very clean. C'est juste que nous portons des habits propres. And to come to church on Sunday. Et nous venons à l'église le dimanche. Nowadays you can differentiate a Christian. Ces derniers temps, vous pouvez différencier un with chrétien an Christian, avec un non-chrétien. Not because of the fortunes of life. Pas parce qu'ils ont eu des choses dans la vie. But by how they dress, mais juste voir comment ils s'habillent and how they walk. Et comment ils marchent. Praise the Lord Jesus Christ. Gloire à Dieu. Et kuna tu vile sisi wa Kristo utembea. Il y a une façon, une manière dont les chrétiens marchent. Tembea na ungwana. Et nous marchons avec élégance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wale wa dunia wanaweza vaa chochote. Et les gens du monde, ils peuvent porter n'importe quoi lakini et marcher n'importe comment. Mateso ni ile. Mais les souffrances sont les mêmes. Wembe, kwa Kiswahili tunasema, wembe ni ule, ule. En Swahili, on dit que le rasoir, c'est le rasoir. Hey, c'est toujours le rasoir. Say amen. Amen. Are we together? Nous sommes ensemble. The difference is because we come to church. La différence, c'est parce que tu viens à l'église. The difference is because we dress like Christians. La différence, c'est que nous portons les habits comme des chrétiens. But the trouble. Mais les problèmes. Is the same as their trouble. C'est le même problème que les autres. Because. Parce que the spirit gives l'esprit life. Donne la vie. Are we together? Nous sommes ensemble. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu. This is the teaching that I want to do. C'est l'enseignement que j'aimerais donner. I want to go deeper into it. J'aimerais entrer en profondeur dans cela. Tomorrow, demain, and Friday, et le vendredi. I will lead us in prayer. Je veux nous conduire en prière. Then after prayer, et après la prière, we will lift up our hands. Nous allons élever nos mains. Receive the Holy Spirit. Et recevoir le Saint-Esprit. Our destinies et nos destinées shall be released. Vont être in Jesus mighty name. Nos destinées seront libérées au nom puissant de Jésus. You know, as I'm ending, quand en finissant, if you read the Bible, si vous lisez la Bible, that's the same scripture. dans les Écritures. You discover verse 19 and 20. Vous allez voir dans le verset 19-20. Et Jésus disait à cet homme, comme tu as été délivré, go and preach the gospel. Va et annonce l'évangile. And then the Bible says, et la Bible dit, the man went and preached in Decapolis. Et cet homme est parti et il a prêché l'évangile. Decapolis. Dans Decapolis. It means 10 cities. Cela veut dire dans 10 villes. Il est parti dans 10 villes. He was an apostle. Il est devenu un apôtre. A bishop. Il est devenu bishop. That ran 10 churches of 10 cities. Qui avait des églises dans 10 villes. It's like he preached in Goma. Il a prêché à Goma. He preached in Kigali. Il a prêché à Kigali. He preached in Kinshasa. Il a prêché à Kinshasa. He had churches. He was overseeing churches all over those streets. Il est devenu responsable des églises dans 10 villes. Because that was his destiny. Parce que c'était cela sa destinée. But the Spirit had given him life. Mais l'esprit qui lui a donné la vie. Of running naked. Qui puisse rester nu. The Spirit had given him life. L'esprit qui lui a donné la vie. But when Jesus delivered him. Mais quand Jésus l'a délivré. His destiny was released. Sa destinée a été libérée. Je déclare aujourd'hui Friday, que le vendredi, à partir de vendredi, your destiny shall be released. Ta destinée sera your déjà destiny libérée. Shall be released. Ta destinée sera your déjà libérée. In family shall be released. Ta destinée dans la famille your sera libérée. In shall be released. Ta destinée dans le mariage your sera déjà libérée. In finances shall be ta destinée dans le finance your sera déjà libérée. In education shall be ta destinée dans l'éducation in sera Jesus déjà libérée. Name, dans le nom puissant de Jésus. Name, dans le nom puissant I de Jésus. Today, je déclare aujourd'hui that your destiny que ta destinée shall be released. Sera libérée. You will be what God says you are supposed tu seras to be. Ce que Dieu a dit que you tu will seras. Get what God says you are supposed tu auras to get. Ce que Dieu a dit que in tu auras. Jesus, mighty name. Au nom puissant hey, de Jésus. Clap to the Lord quelqu'un acclame amen. Pour le Seigneur. You see, by the time I was getting married, eh, quand j'étais en train de me marier, you know, our people used not to get married. Les gens de ma famille ne se mariaient pas. Or if they get married, they marry many women. Ou si ils se marient, ils auront plusieurs femmes. Or if they don't marry many women, they bless people with children. Ou bien s'ils ne vont pas se marier avec plusieurs femmes, ils vont enfanter partout, un peu partout. That demon worked in me. Et ce démon était en train de fonctionner en moi, quoi. So cunningly. Vraiment avec toute sagesse. And I went into Catholic. Et je suis devenu catholique. I enrolled into seminary. Je suis entré au séminaire, au petit séminaire. I trained as a priest. Et on m'a donné la formation d'être prêtre. Taking a promise of celibacy. Et je fais le vœu de célibat. That I will not marry. Que je ne vais pas marier. You know, je vais pas me marier. Me, I'm an ex-priest. Donc moi, je suis ex-prêtre. I'm comme vous me God. Voyez là, je suis en train de servir Dieu. But what has informed my not getting married? Mais ce qui a fait que je ne puisse pas me marier? The spirits of my home. L'esprit. Now de ma maison. We come home. Quand nous arrivons my à la brothers maison, are not married. Mes frères ne sont my pas mariés. Sisters are not married. Mes sœurs ne sont my pas mariées. Are not married. Mes cousins ne sont pas mariés. They are not saved. Ils ne sont même pas sauvés. But me, I'm not married. Mais moi, je ne suis pas marié. But a priest. Mais je suis prêtre. You see how the devil is cunning. Vous voyez comment le diable he joue avec allow les gens. You to get a job. Il est malin. Il peut te permettre d'avoir un boulot. Your brothers don't have jobs. Et tes frères n'ont pas de boulot. All of them are poor. Tous sont dans la pauvreté. You have a job. Toi, tu as un boulot. But also poor like them. Mais tu es aussi pauvre comme praise eux. Praise the Lord Jesus Christ. Gloire because à Jésus. The Spirit gives. Parce que l'esprit donne la vie. When I got saved, quand j'étais sauvé, then I began to deal with my life. J'ai commencé à m'occuper and de ma I vie. Removed that spirit from me. Et j'ai ôté cet esprit en moi. When, before I got married, avant mon mariage, I was involved in several accidents. J'ai eu plusieurs accidents. To make sure that I don't get married. Pour me rassurer que je ne sois pas marié. In fact, my father told me I will not allow you to marry. D'ailleurs, mon père m'a dit je ne te permettrai pas de te marier. By the time I was doing wedding. Quand j'étais en train de me marier, my father did not come. Mon père n'est même pas venu it au mariage. Only, it was only my mother. C'était seulement ma mère qui so est venue. I was crying. Donc j'étais en train de pleurer. Deciding that my father was there with me. Je désirais que mon père puisse être là. Suddenly I saw one of my uncle that is has been redeemed. Et puis j'ai vu l'un de mes oncles qui est he déjà came sauvé. And he pretended to be my father. Il est venu, il a prétendu être even mon père. People did not know that he was my father. Et le père ne sont pas les gens ne se sont pas and rendu compte que ce n'était pas mon père. Time. Et on a continué ainsi. Praise the Lord Jesus. Gloire à Dieu. The moment I married. Le moment où je me suis marié, all my four sisters, toutes mes quatre sœurs that had been given children while at home, qui avaient eu des enfants à la maison, those people who gave them children, ces gens-là qui les ont enceintés, and married them. Ils sont venus et ils les ont épousés. All my brothers, tous mes frères, my cousins, mes cousins, they are now married. Ils sont maintenant mariés. Nowadays, ces derniers temps, we struggle on the date of the weddings. Oh, c'est difficile d'avoir quel jour pour le mariage. dans la famille. Nous sommes plusieurs et plusieurs veulent se marier et les dates sont en train de coïncider. Nous avons été relâchés, libérés dans nos destinées. Nous avons été libérés dans nos destinées. Et cette semaine, vous serez libérés pour entrer dans notre destinée. Pouvons-nous nous mettre debout dans la présence de Dieu? Lèvons-nous pour un moment, un instant. Only in the point number one, the Spirit gives life. Nous sommes juste au premier point, l'Esprit donne la vie. The Spirit gives life. L'Esprit donne la Tomorrow vie. I'll deal with it. Demain, nous allons continuer. And then teach us on how they enter in. Et nous enseigner comment ces esprits entrent en nous. Then on Friday we remove them. Et le vendredi, on va chasser ces esprits. I want you to close your eyes. J'aimerais que tu puisses fermer tes I want yeux. You to lift up your hands to J'aimerais God. Que tu puisses élever tes mains. And speak to God about your life. Et parle à Jésus par rapport à ta vie. Is this the life that God created for you? Est-ce que c'est ça la vie que Dieu a fait pour toi? Is this your life? Est-ce que c'est cela ta vie? Maybe by this time. Peut-être à ce moment. You are supposed to be having a family. Il fallait que tu puisses déjà avoir une famille. Yet you are still single and searching. Mais tu es encore célibataire. Maybe in this time. Peut-être en ce moment. You are supposed to be having a job. Il fallait que tu aies déjà un boulot. Or even a business. Ou peut-être que tu es dans les Maybe affaires. By this time, peut-être en ce moment. You are supposed to be blessed. Tu devrais déjà être béni. In so many areas of your life. Dans plusieurs niveaux de ta vie. But the enemy has made sure. Mais l'ennemi s'est rassuré. You are singing the Lord's song. Que tu es en train de chanter le in chant captivity. De Dieu dans la captivité. Just speak to the Lord about your life. Parle à Jésus par rapport Just à ta vie. A minute because the time was Juste gone. Une minute comme le temps est passé. Tell the Lord, this is my life. Dis à Jésus, c'est ça, voici this ma is vie. My life, Lord. Voici ma vie, Seigneur. If you believe that is the life that God created si tu for crois you, que c'est ça la vie que Dieu a planifié we bless pour toi, you there. Que Dieu te bénisse. But if you don't believe, mais si tu ne crois pas this is where you are supposed to que be. C'est là que tu dois être, speak to the Lord. Parle à Jésus. Tell the Lord plainly. Parle à Jésus, dis-lui bien. Speak to him directly. Parle-lui directement. That my father, dis-lui Père. I know very well. Je sais très bien. This is not my life. C'est pas ça ma vie. This is not where I'm supposed C'est to pas be. Ici que je dois In être. The mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Somebody just speak to the Lord today. Quelqu'un parle à Jésus. God has given you children. Dieu t'a donné des enfants. But the enemy is trying. Mais l'ennemi est en train d'essayer. God has given you a spouse. Dieu t'a donné But the enemy is beating you. Une épouse, speak un époux. To the Lord somebody. Mais l'ennemi est en train Just de te combattre. For 2 minutes, speak to the Lord. Parle à Jésus, parle à Tell Dieu. The Lord the truth. Dis la vérité Tell à Dieu. This is not the life Dis-lui, ce n'est pas ça la vie that you had given me, Lord, que tu m'as donné, that Seigneur. I suspect C'est que je dois vivre. That a different spirit je veux is avoir giving me life. L'esprit qui I me donne la vie. Suspect Je crois. That a different spirit je suspecte qu'il y a un autre esprit qui est en train de me I donner suspect la vie. Je suspecte qu'il y a un autre esprit qui est en train de me donner la vie. Quelqu'un parle au roi des rois. Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui aujourd'hui. Tell the Lord today. Dis à Jésus aujourd'hui. Because this week I want us to be released. J'aimerais que vous soyez libérés. I want us to be released. J'aimerais que nous soyons libérés. I want us to be released. J'aimerais que nous soyons libérés. I want us to be released. Faut que nous soyons libérés. I want us to be released. J'aimerais que nous soyons libérés. I want us to be released. J'aimerais que nous soyons libérés. From the life that the Spirit is giving us. Des esprits qui Somebody ont entré en the Lord. Nous. Quelqu'un parle à Dieu. Speak to him for a minute. Parle-lui pour une minute. Now I want you to say with me. Nitasema kwa Kiswahili. Je vais parler en Swahili. Tuinue mikono juu. Élevons nos mains. Alafu mutasema nyuma yangu. Et puis vous allez répéter après moi. Sema kwa nguvu Bwana Yesu. Dis avec force Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Seigneur Jésus. Siku ya leo. Aujourd'hui. Nakuja kwako. Kwa sababu Yesu. Mimi nakupenda. Najua ya kwamba unajua maisha yangu. Hata kabla Nizaliwe, ulinichagua, ukaniteua, na ukanifanya, niwe nabii kwa ajili ya mataifa. Lakini Yesu, nafika mahali katika maisha yangu, na nimegundua ya kwamba, ingawaje, nimeokoka, lakini mimi, maisha yangu, imekwama, ninakiri ya kwamba, Maisha yangu imekwama baba najua ya kwamba maisha ambalo ninaishi sasa sio maisha ambayo ulinitengea Ninajua ya kwamba shetani na roho zake amenipatia maisha mengine ya kuteseka. Hivyo basi Yesu na kuinulia mikono na ninaita jina lako lipate kunikomboa. Damu ya Yesu unisafishe siku ya leo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. J'aimerais que nous puissions dire tena Yesu mikono. Élevons nos mains encore une fois. Sema Bwana Yesu. Kwa sababu nimetambua ya kwamba hauwezi kunipatia hii maisha ya kuteseka. Hivyo basi nimetambua ya kwamba shetani na mapepo wananipatia maisha yao ya kuteseka. Hivyo basi pepo yote, roho zote za kishetani, mashetani yote ambao mnaishi ndani yangu siku ya leo, na wakataa, na wakataa, na wakataa, na wakataa, na wakataa, na wakataa, na wakataa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen. So ya mwisho alafu nimalize. Tuinue mikono. Sema Bwana Yesu. Ile maisha ya mashetani, ya mapepo ambazo ninaiishi pamoja na hiyo mashetani na hiyo mapepo, siku ya leo katika jina la Yesu naziamrisha zitoke. Toka! Toka! Toka! Toka! Toka! Toka! Toka! Toka! Chilia maisha yangu, toka! Toka! jina la Yesu. Toka! Achilia! Ondoka! Ondoka! Kwa jina la Yesu. Toweka! Toweka sasa! Kwa jina la Yesu. Toroka! Kwa jina la Yesu. Toroka! Toroka! Kwa jina la Yesu Kristo. E kama ya shatole sikaba. Levons nos mains devant Dieu. Tuinua mikono yetu mbele za Bwana. Merci pour ce soir. Na tumshukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Merci Seigneur. Mwambie Yesu. Parce que tu m'as libéré. Kwa sababu umenikomboa. Merci Seigneur. Asante Yesu. Parce que tu as levé la mauvaise vie. Kwa sababu umetoa hiyo maisha machafu. Et ses ressources. Na hiyo vitu vyote. Tu m'as libéré. Umenikomboa. De la mauvaise vie. Kutoka kwa maisha mabaya. De mauvaises sources. Kwa chemchem mbaya. Maintenant Seigneur, sasa Bwana, donne-moi la bonne vie. Patie maisha qui est en Jésus-Christ. Ambayo iko katika Yesu. Seigneur Jésus. Bwana je Yesu. Reçois napokea à nouveau kwa mpya ta vie. Maisha. Tu as dit dans ta parole. Ulisema katika neno lako. Moi je suis venu. Nilikuja. Afin que mes brebis aient la vie. Ili kondoo wapate maisha. Et qu'elles aient en abondance. Na wapate utele. Je reçois l'abondance. Napokea utele wa maisha. Je reçois la vie abondante. Napokea utele wa maisha. Maintenant. Sasa. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Merci Seigneur. Asante Yesu. Amen. Amen. Asseyons-nous un instant. Tuketi dakika moja. Quelques communiqués et les paniers des offrandes passent. Tangazo kidogo. C'est déjà. C'est déjà. Ok, tout le monde a donné son offrande. Watu wote wametoa sadaka. D'accord. Alors tous les intercesseurs tout de suite à 18h. Waombaji wote sasa hivi. Ne ratez pas. Msikose. Demain. Kesho. À 6h. Kuanzia saa 12 asubuhi tuko hapa. Et toutes les femmes. Wanawake wote. À 8h. Vous commencez la réunion. Naanza mkutano. Et le pasteur Moss sera avec vous. Pasteur Moss atakuwa pamoja nanyi. De 8h à 12h. Kuanzia saa 2 hadi saa 6. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Situfanye amen ya kweli. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Tout à kami ici hapo. Quelqu'un béni ce soir. Je mtu amebarikiwa jioni ya leo. Alors tu te lèves en acclamant le Seigneur. Basi unasimama ukimshangilia Bwana. Confessons la grâce. Tukiri neema. Oui. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors,